parler des Jaguars de le beau Mississini avec l'instructeur chef Steven Girard. Salut Steven! Bonjour. Steven, il y avait un match à Dolbeau Mississini, ça se passait dimanche matin, très tôt, 10h le matin en passant, et défaite de 38 à 6. Oui, défaite de 38 à 6. Ça a été un match très pénible pour, je pense, notre pire de la saison, mais on va tenter de se relever. OK, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ensemble du match? Dans l'ensemble, ça a bien été pour la première demi. Après la demi, c'était 13 à 6 pour Chibougamau. Okay. Après ça, on a repris le ballon en offensive là, pour débuter la deuxième demi. On a fait une très longue course, mais le jeu d'après, on a fait un échappé, puis ça a résulté d'un toucher l'autre côté. Je pense que c'est le jeu qui a changé la partie de côté. Mais en général, là, j'ai eu beaucoup d'absents à mes pratiques cette semaine. Je pense que ça a joué contre nous au bout de la ligne. Là. Ça part des pratiques, puis j'en ai eu beaucoup d'absents. Ben, on dit tout le temps, hein, on joue comme on pratique. Hein, peu importe le sport, tu fais pas rien que du football. Tu es entraîné du hockey, tu sais comme moi. Hein, c'est la même affaire. Oui, c'est très important. Il faut que les faut se présentent pour les pratiques. OK, puis pourtant, c'était une équipe à votre portée. Là. Je fais des entrevues aussi avec... Avec Serge Bouchard, puis c'est un peu les mêmes affaires. C'est deux équipes qui se ressemblent, deux équipes qui commencent. Il y a beaucoup de recrues et ainsi de suite, là. Oui, on est deux équipes très jeunes. Je pense que c'est ça. J'en ai indiqué aux jeunes que l'équipe de Chibougamau était à notre portée, qui avait la même fiche que nous. Sauf que c'est ça, c'est j'ai beaucoup de vétérans. Ben, mes seuls vétérans que j'ai dans mon équipe se sont pas présentés beaucoup aux pratiques cette semaine. Fait que c'est sûr que quand les 12 sont pas coordonnés en même temps sur les jeux, ben ça devient difficile, il y a encore plus d'erreurs, puis de manque d'assignation. Fait que je pense que c'est ça qui a joué beaucoup contre nous. OK. En fait, qu'est-ce qui s'en vient fin de semaine prochaine qui s'en vient, là? On joue notre dernière partie de la saison, notre dernière partie locale contre les Lynx de Wilbrod Dufour d'Alma. Ça va être un très gros test. Deuxième au classement, c'est un sport étude, donc je m'attends à une partie quand même relativement difficile, mais on va ce que je veux faire, c'est de travailler davantage, là, se relever les manches là, de notre défaite de la semaine passée pour voir une progression. Est-ce qu'il reste quand même une chance pour les séries éliminatoires? Certainement qu'une défaite contre Chibougamau la semaine passée, ça fait mal pour ça, hein? Oui, ça fait mal pour ça. Chibougamau, ils ont passé quatrième avec la victoire. Les quatre premières équipes sur les six au classement font les séries. Fait que nous, on est à aucune victoire, quatre défaites. Fait que nos chances sont nulles là, maintenant de faire les séries. Il nous reste une dernière partie avant d'accrocher au carbone de la OK. Ben, Steven, on s'en reparle la semaine prochaine. On va faire le bilan de la saison des Jaguars. Déjà la saison est terminée. Ouais, l'instructeur-chef Steven Girard.